regard goutte-tombante, mais se relève. Derrière elle imposante, la cathédrale qui s'élève. Regard goutte-tombante, mais se relève. Sous-titrage Société Radio-Canada.